Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif. Eh bien, c'est un autre rendez-vous hebdomadaire de l'émission Rock de Neurones que je vous offre en mon nom, Jimmy Farley. Je m'occupe de la mise en onde, de la recherche musicale, de l'animation et de la production de l'émission. Et aujourd'hui, à l'émission, pour les deux prochaines heures, on aura Pattern Seeking Animals des États-Unis, Red Sen du Québec, Grandval et Lazuli de la France, Glasshammer des États-Unis, Melodic Energy Commission du Canada, Liorme d'Italie et de l'Aude des États-Unis. Alors, comme à l'habitude, bien, le premier bloc de l'émission est consacré à l'album de la semaine. Et aujourd'hui, bien, c'est un album d'un groupe américain du nom de Pattern Seeking Animals. C'est en fait un regroupement de musiciens de la formation Spock's Beard qui opère sous le nom de Pattern Seeking Animals. Ils ont eu un album l'an dernier qui a été bien apprécié par la critique et ils nous reviennent il y a quelques semaines, pas plus que ça, avec un nouvel album qui s'intitule Prehensile Tales et je vous propose deux pièces, Soon But Not Today et Lifeboat. Cet album-là contient 6 pièces, il y a 55 minutes de musique. Alors, c'est assez généreux pour un album et je dois vous dire que pour un deuxième album, c'est assez réussi. Alors, on y va tout de suite avec Pattern Seeking Animals. Thank you.

wild dreams of drowning in my sleep, thrashing in the darkness of the deep, gasping, never knowing if I'll breathe again. Sirens from the surface as the ship began to shake. I was cast into this nightmare, wide awake. Soldiers settling in old score mercilessly. Jimmy Farley. On va aller maintenant du côté du Québec, en fait du côté francophone, avec une formation du Québec du nom de Red Sand. On aura aussi Grandval et Lazuli de la France. Red Sand, c'est un groupe qui est quand même assez actif au Québec depuis 2004. Tout ça a débuté avec l'album Mirror of Insanity. Et depuis ce temps-là, ben, on est rendu au 9e album studio là, en 16 ans. C'est quand même assez généreux. Et le plus récent album, c'est Crush the Seed. Et si je regarde les cotes qu'on retrouve un peu partout sur Internet, l'album est très bien reçu. Je dirais même que personnellement, j'ai bien aimé cette mouture-là de l'album, qui est quand même assez différente des albums précédents de Red Sand. Sur le plus récent album, on retrouve beaucoup de guitares à la David Gilmour, par exemple. Alors, c'est très, très Pink Floydien. On va faire suivre ça avec Grandval, qui est un groupe de la France qui tourne autour d'un musicien multi-instrumentiste là, qui s'appelle Henri Vaugrand. Il a déjà produit un album en 2016 qui s'intitulait « À ciel ouvert » et il nous revient en 2020 avec « Descendu sur terre ». Et je vous propose la pièce « Un nouveau destin ». Et pour conclure, le bloc francophone, eh bien, ça va être encore du côté de la France avec le groupe français Lazuli, qui en est rendu, je pense, quand même, est assez... bon, 8e album. Alors, c'est encore une fois un album très abouti. C'est presque le meilleur, je pense, de la formation en ce qui me concerne. L'album s'intitule « Le fantastique envol de Dieter Bohm ». Et la pièce qu'on va entendre, c'est « Les chansons sont des bouteilles à la mer ». Alors, on commence avec « Red Sand ». Realize. We'll be right back. retour du printemps. Éternelle ritournelle, leur musicalité m'emporte dans le vent. Je succombe à leur charme sans savoir d'où ils viennent. Irrémédiablement, leur mélodie se font mienne. À potroniné, de nouvelles vagues de pensée descendent des montagnes. Mon âme est condamnée à succomber à l'euphorie qui me gagne. Si j'écoutais mon cœur, je croirais qu'il est possible que ce rêve a enfin un espoir visible. Un nouveau destin, comme un éclair déchirant les airs. Antédiluvien, au pied du précipice, ferme les yeux, choisis ton interstice. Créatures océanes, origine et point de départ de nos vies. Fan, tension divine d'un battement qui nous lie. Depuis les profondeurs, surgit comme un appel. Un cri qui chavire, mais leur pays idéal. Un nouveau destin, déchirant les airs. Antédiluvien, au pied du précipice, ferme les yeux, choisis ton interstice. Fatigué des faiseurs de fadaises ineffables, tu cherches un intervalle au carmin redoutable, masqué dans ta conscience, relâché, hors tension. Translation dérivée d'un nouvel horizon. Fade fatigué des flèches enflammées, hirsutes et sibyllines au fond de ton acmé. Les reines sanguinaires, les veuves déplorées, un avenir amer, un destin. We'll be right back. regard. Une courbe glacée irisant tes paupières, un souffle immaculé en lisière de l'angoisse, un appel interlude crachant sur la raison, philosophie du vide murmurant des plafards comme un réseau planète fractal et systémique, situation gambie musculant les gens, regard d'intérêt pour le miroir brisé, alouette gentille alouette. Holocauste animal, des myriades de scorpions, des trompettes qui sonnent, un chemin sans détour, de tous côtés l'abîme, tu t'accroches, illusoire, ébaudi, dystopique, un zéro dans la marge, un héros chez les barges, vieille ferraille rouillée, bouillonnant de dépit, bouillonnant de dépit. Oh, J'ai planté une note sur une île déserte, une note de passage pour rejoindre un ailleurs, comme une délivrance, une fenêtre ouverte. Une chanson est venue comme arrive une fleur. Avec l'incertitude d'un vaisseau de fortune et la mélancolie d'un accord mineur dans le grand océan, à la vague opportune, elle a lâché ma main comme un enfant majeur. Ma chanson a franchi les violentes tempêtes, les désenchantements, les déboires, les galères, les rochers ennemis sont déviés de sa quête, sa recherche est perdue d'un destin. Jimmy Farley. Le prochain bloc est complètement dédié à la formation américaine Glass Hammer. Ils viennent de sortir leur 19e album studio. On mentionne qu'ils sont actifs là, quand même depuis 1993. Et le dernier album s'intitule Dreaming City. Alors, je vous propose deux pièces extraites de cet album-là. Premièrement, ça va être la pièce titre de l'album, et ensuite, ça sera Cold Star. Et pour rester dans le, on va débuter avec une autre pièce de Glass Hammer qui date quand même de 2010. C'est extrait de l'album If. Moi, c'est un de mes préférés de Glass Hammer. Et c'est un autre style, un autre chanteur. Vous allez reconnaître probablement celui qui chante maintenant pour Yes, là. Alors, on a donc Glasshammer et la pièce Behold de Ziddle, tirée de l'album If, qui est paru en 2010. Thank you. who's ever to be so vain? There's things he can find inside of his mind that used to make him sane. He has a three-sided dance that's all the rage. It looks like it's in reverse, but that's just because you can't see things from his perspective. lost the diamond. Terminus reminds me there's no and the sunset with what we cannot know. Must fight through to the river. I'm tired, but on I go. 2 days left, then he kills her. Time is sent on my side. Sorcery and our magic from which I cannot hide. How can we who seek justice prevail? For there is none in this world, and I'm guilty as sin, like everyone. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Avant de débuter le dernier bloc de l'émission, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez retracer toute l'information concernant la feuille de route de l'émission d'aujourd'hui. Vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de Rock de Neurones et vous allez y trouver toute l'information sur le nom des pièces, le nom des groupes, le titre des albums, la provenance des groupes et l'année d'édition. Alors, on va aller du côté de Vancouver avec un groupe qui a été actif avec deux albums, le premier en 1979 et l'autre en 1980, puis il y a eu un éclipse de 25 années où en 2004 et 2013, il y a eu l'apparition de deux nouveaux albums. Alors, quatre albums au complet avec une longue interruption, mais le groupe a fait une compilation. Alors, je vous invite à consulter cette compilation-là qui a quand même une très bonne cote sur Prog Archive, une cote de 9 sur 10. Alors, la pièce qu'on va entendre, c'est Scientific. Et le nom de la compilation, bien, c'est Moon Phase Compendium. Ensuite, ça va être Les Ormes, mon groupe préféré, qui, soit dit en passant, ouvre l'émission à chaque semaine avec un extrait de Felona and Sorona. Et pour rester dans la tradition de cet album-là, je vous propose la pièce d'ouverture, Sospesi nel incredibile. Et ensuite, on va aller terminer avec The Load, une formation américaine qui a eu deux albums, un en 76 et l'autre en 77. Et l'album de 77 a eu quand même une belle appréciation là, des amateurs. Et la pièce que je vous propose, c'est Ethel's Lament. Alors, c'est l'album Lord Have Mercy. Ça, c'est paru en 1977. Alors, on débute avec Melodic Energy Commission de Vancouver. It's so scientific, so close to logic, if you only strategic, technically perfect, oh, if you only shout the rain. closer. Drape the shape of phantoms as they cross the open fields of spacious conversation. The transformed voice and sound of bird-like talk gave words to me. I hope you heed the sigh, there's no living form taller than trees. Your ears are prime and precise, they're set by intonations. Shall I continue? si nasconde dietro monini di mille stelle, dietro la polvere d'oro di un altro universo. Due pianeti in armonia ruotano insieme nel loro regno, dove ogni cosa non cambia all'infuori del tempo. Come ampolle di clessidra, la sabbia scorre col suo potere, così il destino coinvolge la vita lassù. Dietro boschi di corallo, dietro sospiri di amanti veri, due rose gemelle non muoiono insieme. E quando nasce l'alba sopra il mondo, si sparge intorno un alito di vita, le foglie color miele ne assorbono il calore, un vecchio guarda in alto e fa un sospiro, dalle fontane scorga l'acqua e il vino, le lacrime we'll be right back. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la formation américaine The Load, et la pièce, c'était Ethel's Lament, tirée de l'album Load Have Mercy. Ça, c'est paru en 1977, et auparavant, on avait Lee Ormey et la pièce d'introduction de l'album Philona and Sorona. La pièce s'intitule Sospesi nel Incredibile. Et en début de bloc, on avait Melodic Energy Commission, un groupe de Vancouver. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Scientific. Ça, c'est tiré de la compilation Moonphase Compendium, paru en 1989. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de la 31e émission, en fait, de la saison 2019-2020. En tout, on est rendu à 253 émissions depuis 2013, là, ça fait 7 ans et quelques mois. Et avant de terminer, là, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter l'émission en rediffusion les dimanches et de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et en plus, l'émission est disponible sur Internet à partir de SoundCloud. Pour y accéder, bien, vous avez qu'à vous présenter sur SoundCloud et taper Rock de Neuron dans la barre de recherche et vous allez avoir l'émission de la semaine courante. Si vous voulez retourner un petit peu plus en arrière, bien sur la page archive.org, en fait c'est le site archive.org, il y a au moins 175 émissions qui sont archivées. Alors pour y accéder, vous avez deux façons, celle que je viens de vous mentionner, et aussi vous pouvez passer par la page Facebook où vous allez trouver un lien. La page Facebook contient aussi mon palmarès des 5 albums les plus, en fait, que je préfère de 2020. Vous avez aussi le palmarès de 2019, celui de 2018. Vous avez aussi un palmarès pour le rock progressif italien et aussi le rock progressif québécois. Deux palmarès assez consultés. Et j'ai aussi le palmarès des 100 meilleurs albums de rock progressif de l'histoire. Alors ça met fin à l'émission et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.